agression verbale. C'est A-L-B-O. Eh, pour les rêves sur la dalle. Quand j'étais môme, je voulais être docteur. Tu parles, je suis qu'un imposteur. Vu que j'ai lâché mon rêve, maintenant je me retrouve en mauvaise posture. Dans ma chambre, c'est vide. Y'a que ma rancœur en guise de poster. Et comme j'ai un grand cœur, le regard vide, je me n'ai que le faussaire. Face à ce monde qui prône, non, j'aurais pas une vie de drone. Et face à leur cyclone, si calmement que l'air indécis, je prône la fierté qui nous reste. Je me dis les choses qui nous pressionnent. Chaque jour le soir, je me questionne pourquoi le mal nous impressionne. Où sont passés nos rêves? J'ai pas frère, demande à l'oracle. Ici l'orage, après le dessus, la rage. Les dents, mes yeux sans trêve. Quand je vois qu'on s'entraide pas, j'ai toujours trop de fois, ça me fait de la peine. Mais faut agir en secret, vu que notre désarroi engraisse les ports. Pourquoi les portes se ferment? Je sais pas, en tout cas, ça me fait mal. De jeune champion, je suis passé dépressif. Je suis dans un drôle de bal où je danse avec les morts. Dans mes rêves, mais le pire, c'est que je me suis vu dedans. Je méprise cette vie crade avec un bédo, je tue le temps. On s'en passe nos rêves, on a tapé les assentants. Le temps se fiche dans nos malheurs. Si bien qu'on croit avoir son temps. On s'en passe nos rêves, tous nos projets, nos espérances. On n'a pas pu s'en approcher. Du coup, on se reproche leur absence. On s'en passe nos rêves, on a le pire d'un monde à part. Qu'est-ce qui nous reste à part tous ces soupirs? Une image qu'on nous soupare. On s'en passe nos rêves, même leurs souvenirs nous font du mal. On ne peut pas les accomplir. Nos rêves de gosse deviennent des cauchemars. Mes rêves m'ont trahi. Ils m'ont dit, suis les rails, au bout y'a le Graal. Travail, mec, laisse le tri. Tu monteras sur les plus hauts sommets. Maintenant je pige pourquoi j'ai toujours sommeil. On se lève, la trêve finie, marche ou crève. Tu l'ouvres, on te punit, politesse. Mais la grève, c'est ma réalité. Et c'est la tienne aussi, y'a pas d'égalité. Entre tienne et aussi, nous sont passés nos rêves. C'est tout ce qu'ils nous ont laissé. C'est pour ça qu'on agresse et qu'on bicrave la cesser. On est toujours stressé, Paname toujours pressé. On est épuisé si on croit qu'ils vont nous laisser leur place. Même s'il y a du petit changement, Roselmac, Lachi, c'est juste un petit pansement. La plaie est trop grande et y'a plus de place pour la compresser. Y'a bien longtemps, mes rêves seuls dans mes drames ont délaissé. Nous sommes passés nos rêves, on a tapé les assentants. Le temps se fiche dans nos malheurs. Si bien qu'on croit avoir son temps. Nous sommes passés nos rêves, nos projets, nos espérances. On n'a pas pu s'en approcher. Du coup, on se reproche leur absence. Nous sommes passés nos rêves, on a le pire d'un monde à part. Qu'est-ce qui nous reste à part tous ces soupirs? L'image qu'on nous soupare. Nous sommes passés nos rêves, même leurs souvenirs nous font du mal. On ne peut pas les accomplir. Nos rêves de cause deviennent des cauchemars. Depuis tout petit, t'aimais la baston. C'était devenu ton baston. À cet instant, t'étais môme, mais tu voulais déjà devenir grand. Quitte à vendre ton âme à Satan. Toi, tu voulais une place dans milieu de ta pote pour accomplir ton avenir de combattant. Constatant pour avoir niveau, certains mettaient plus de 10 ans. Impatient, tu voulais tout trop tôt attendre. Tu n'avais pas le temps. La rage dans le sang, tu devinais même dans ton regard perçant. Quand inconscient sur le ring, tu te donnais à 200% pour ne pas être incompétent. Tu combattais jusqu'à pas d'heure en seulement 2 ans d'entraînement. T'étais le meilleur des bagarreurs. Pas peur de la compète, t'avais qu'une seule idée en tête. Celle de pouvoir toucher ton rêve, d'être un boxeur qui rien n'arrête. Seulement voilà, dans les défaites, tu n'acceptais pas ta douleur. C'était normal pour toi en fait, y'avait pas de place pour les pleureurs. Mais bon, à force de la nier, celle dans ta chambre prenait de l'ampleur. Et toi tu continuais de plus belle en la regardant d'un air moqueur. C'est cette mentalité de vainqueur, devenue presque obsessionnelle, qui t'a conduit au-delà des portes du circuit professionnel. En voulant construire ta légende pour y inscrire ton propre mythe, tu as oublié, il me semble, que l'être humain a ses limites. Et lors d'un combat pour le titre, il a suffi d'un déhanché. Suivi d'un craquement égoïste que ta bêtise a déclenché. Ta jambe demandait juste une trêve. Tu l'as paralysé, t'as foncé trop vite vers ton rêve. Tu ne pourras plus les réaliser. Nous sommes passés nos rêves, on a tapé les assentants. Le temps se fiche dans nos malheurs. Si bien qu'on croit avoir son temps. Nous sommes passés nos rêves, nos projets, nos espérances. On n'a pas pu s'en approcher. Du coup on se reproche leur absence. Nous sommes passés nos rêves, on a le pire d'un monde à part. Qu'est-ce qui nous reste à part tous ces soupirs? Une image qu'on nous soupare. Nous sommes passés nos rêves, même leurs souvenirs nous font du mal. On ne peut pas les accomplir. Nos rêves de gosse ne viennent. Nous sommes passés nos rêves, on a tapé les assentants. Le temps se fiche dans nos malheurs. Si bien qu'on croit avoir son temps. Nous sommes passés nos rêves, tous nos projets, nos espérances. On n'a pas pu s'en approcher. Du coup on se reproche leur absence. Nous sommes passés nos rêves, on a le pire d'un monde à part. Qu'est-ce qui nous reste à part tous ces soupirs? L'image qu'on nous soupare. Nous sommes passés nos rêves, même leurs souvenirs nous font du mal. On ne peut pas les accomplir. Nos rêves de gosse deviennent des cauchemars. Si, si, faut arrêter de rêver. C'est la merde mec, il faut se lever. On s'en passait nos rêves, tous à la recherche du Graal. C'est A-L-B-O, le poison tue d'une injection verbale. Oh, il est le bel, on le saute.